Let me be the one you love for life. Let me stay with you every day and every night. Ta présence au quotidien, je veux te donner tout ce que tu as besoin. Je veux t'aimer pour le meilleur et pour le pire. Je veux que tu fasses le quotidien de mon sourire. Dans ma tête, je me plains en souvenir. Être à tes côtés, comment de le dire? Mais le faut un dictionnaire pour le lire. Je t'en prie, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'apprécier. Je t'en prie, laisse-moi être à tes côtés. Dans l'amour, on ne pense pas à compter. Ceux qui le savent comprennent le sens de la bonté. Effondré sous les débris des gars qui me sont lancés. Mais rien à faire, tu restes celle qui plane mes pensées. Je suis lancé sur l'instrumental pour te vendre ce côté plus sentimental. Cupidon a pris mon cœur pour cible. Je ferme maintenant la porte de mon premier couplet pour m'abandonner à ma vérité. Let me be the one you love for life. Let me stay with you every day and every night. Fermer, penser à quelqu'un, espérer d'être auprès d'elle, prier le destin. Allongé stylo en main, ouais j'écris mes refrains. T'es bien la seule que j'admire, je t'en prie laisse-moi être avec toi. Laisse-moi prendre soin de toi, laisse-moi donner tout pour toi. Je t'en prie laisse-moi être avec toi. Laisse-moi prendre soin de toi, laisse-moi donner tout pour toi. Laisse-moi t'aimer, remplacer tes moments de tristesse par ceux de tendresse. Laisse-moi t'aimer, elle a su combler mon cœur avec elle, surtout pas d'erreur. Laisse-moi t'aimer, remplacer tes moments de tristesse par ceux de tendresse. Laisse-moi t'aimer, elle a su combler mon cœur avec elle, surtout pas d'erreur, surtout pas d'erreur. Let me be the one you love for life. Let me stay with you every day and every night. Pas né en tant que fruit du hasard, c'est de l'amour que tout part. J'ai senti l'infinité d'un regard. Ouais, je pensais que c'était toi que je cherchais. Jusqu'au jour où tu m'as laissé, j'étais sans nouvelles. Ça faisait des jours que je t'appelais et te laissais des mots d'amour sans arrêt. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ne suis-je pas sociable depuis qu'on s'est rencontrés? Trop d'images perturbent mes nuits, ça tombe pas rond. Comment faire face à ces soucis ancrés si profonds? Je le vois débarquer, s'exposer, ce regard infligé. Ouais, je pensais qu'on était ensemble. Jusqu'à ce qu'il vienne te voler ton innocence. Ouais, bébé, c'est moi, rappelle-moi s'il te plaît. Tu donnes plus de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Rappelle-moi s'il te plaît. Allez, rappelle. Let me be the one you love for life. Let me stay with you every day and every night. Let me be the one you love for life. Let me stay with you every day and every night. Let me love you, love you, love you. Let me love you, love you, love you, love you. Ouais, ouais, ouais, ouais. Écoute, c'est Christo à la flotte. Laisse-moi t'aimer.